moka ya ba libre bien de refuge esika ya bato oyo babwaka makaba lesaki mboka. Le fitique, mboka ba les prix.